إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours numéro 14. Et c'est dans l'explication, on est toujours dans l'explication du point numéro 5, on a commencé il y a deux cours, c'est-à-dire les cas, une catégorie de personnes par rapport à Al-Wala ou Al-Bara. Et on a expliqué dans la première partie, ou la première catégorie, que yani, c'est la catégorie de ceux qu'on doit aimer de façon complète, hein. C'est-à-dire qu'on doit les aimer et qu'on ne doit pas avoir aucune haine ou animosité envers eux. On a expliqué que ce sont les prophètes et les sahaba et les pieux. Donc, envers eux, on ne doit pas avoir aucune animosité et on doit avoir l'amour complet. Ensuite, donc, maintenant, on passe à la deuxième catégorie, après avoir expliqué les détails au sujet de la première catégorie, et l'exemple des garments des Khawarij, des Mu'tazila, des Murji'a par rapport à cette catégorie-là. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie qui est Al-Qism al-Thani. Et le Cheikh, le Dr. Isam ibn Abdullah al-Sinani, Rahimahullah, il dit من يبغض ويعادي بغضا ومعادة خالصي لا محبة ولا موالاة معهما وهم الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم، كما قال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، وقال سبحانه وتعالى عائبا على بني إسرائيل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجموع الفتاوى وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. انتهى كلامه رحمه الله. Donc dans la première catégorie, le cheikh il explique que ce sont ceux qu'on doit détester et opposer de façon totale et complète, qu'on doit avoir pour eux une haine et une animosité un peu total, sans aucune amour ou allégeance avec eux. dans le cœur. Et yani, le cheikh explique que ce sont les purs kuffar, les mushrikin, les munafiqin, les murtaddin, donc les mushrikin, les gens qui associent avec Allah dans l'adoration, donc ce sont les kuffar aussi, les munafiqin. Les munafiqoun, ce sont ceux qui prétendent croire en Allah et en son messager et en l'islam, mais qui en réalité ne croient pas en Allah ni en son messager, et qui détestent l'islam, qui n'aiment pas l'islam, qui ne croient pas en l'islam, qui détestent des aspects de l'islam, alors qu'ils se disent musulmans. Donc ceux-là sont des munafiqoun, des hypocrites. Et ensuite, al-murtaddoun, c'est-à-dire ceux qui ont cru en l'islam et qui, par la suite, ont rejeté la foi. Donc, ce sont les apostats. Et al-mulhidoun, ce sont ceux qui rejettent la foi en Allah ou en certains de ses noms et de ses attributs. Hein? Donc les athées et ceux qui leur ressemblent. Et yani, selon toutes ces catégories-là, rentrent dans la catégorie des kuffars qu'on doit détester de façon totale et absolue. Selon les détails qu'on a expliqués et clarifiés dans les cours précédents, bien sûr, et qu'on va expliquer également dans les cours qui vont suivre. Le Cheikh, il dit ensuite, كما قال سبحانه وتعالى. Donc, il dit ensuite, l'épreuve de ce point-là, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 22 dans Surat Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que tu ne trouveras pas parmi les peuples qui croient en Allah et au jour dernier, ceux qui aiment les gens qui opposent Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu. Peu importe les liens de parenté que tu peux avoir avec des gens, si ce sont des gens qui font partie de tes enfants, ou de tes pères, ou de tes pères, ou de tes frères, ou de ta famille, ou de ta tribu, ou de ton peuple, ou de ta nation, ou de ton pays. Donc, du moment que ce sont des kuffars, tu dois les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu dois les détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, comme on a expliqué, par rapport au fait qu'il faut distinguer, entre l'amour qui est naturel, c'est-à-dire les sentiments, l'affection qu'on peut avoir pour des proches parents, comme le père, la mère, qui sont des kuffars. Et ça, c'est un amour qui est naturel. C'est pas quelque chose qui est dans le contrôle du musulman. Donc, on ne parle pas de cette catégorie-là. On parle de l'amour qui est religieuse, c'est-à-dire le fait de détester le kafir par rapport à son kufr et à son shirk, et de le détester parce qu'il rejette la foi en la vérité. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on parle quand on parle de la haine ici et le fait de détester les kuffars. Tandis que quand on parle de l'amour, on parle de celui qui aime, yani d'un amour religieux, les kuffars. Celui qui aime d'un amour religieux, les kuffars, eh bien, il n'est pas croyant. C'est ça que ici le verset signifie, que tu ne peux pas trouver des gens qui croient en Allah et au jour dernier, puis qui en même temps aiment d'un amour religieux les kuffars, les gens qui opposent Allah et son messager. Donc peu importe qui ils sont de leur famille ou de leurs proches, même s'ils peuvent avoir des sentiments, de l'affection pour leurs parents, pour leurs proches, parce qu'ils leur ont fait du bien dans la dunya, mais n'empêche qu'en même temps, avec ces sentiments-là, ils ont également une haine religieuse pour eux, du fait que ces gens-là ont associé avec Allah, ou ont rejeté la foi en Allah, ou ont fait le shirk, ou ont fait des différentes formes de kufr, ou d'hypocrisie, ou ainsi de suite, ou d'apostasie. Donc ceux-là, on les déteste. Ils croient Allah d'une haine religieuse, même si, lorsqu'on a des sentiment pour eux, ça ne vient pas nécessairement en contradiction avec la foi, si c'est des sentiments ou un amour qui est naturel. Donc les ulama ils distinguent tout le temps entre ces deux catégories-là. Al-hubb al-tabi'i ou al-hubb al-din. L'amour religieux, l'amour naturel et l'amour religieux. Donc l'amour naturel ne vient pas en opposition avec la foi. Hein? Et elle ne vient pas détruire la foi. Même que l'amour entre un homme et sa femme qui serait chrétienne ou juive, hein, c'est un amour naturel, c'est une attirance physique, une attirance naturelle, un amour naturel qui n'est pas en opposition avec la foi ou la religion. Donc il faut bien comprendre cette distinction-là parce que beaucoup de gens ont commis l'erreur de ne pas distinguer entre les deux. Puis ils sont tombés dans l'extrémisme à cause de ça. Ensuite, le cheikh, il explique, il mentionne un autre verset. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme également les fils d'Israël dans le verset 80 et 81 dans Surat Al-Ma'ida, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que tu verras beaucoup d'entre eux qui prennent pour alliés ceux qui ont mécru. Comme est mauvais ce que leurs mains ont préparé pour eux-mêmes, hein, du fait que Allah, à cause de cela, est en colère contre eux et qu'ils seront dans le châtiment éternellement. Et s'ils avaient cru en Allah et en son prophète et en ce qui a été révélé sur lui, ils ne les auraient pas pris pour alliés, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne à ce sujet dans Majmou al-Fatawa, le volume 28 à la page 209, il dit, c'est pour que donc, on doit tous savoir que le croyant, il est obligatoire de l'aimer et de le prendre pour allié. Même s'il t'a fait une injustice, même s'il a transgressé contre toi. Tandis que le kafir, il est obligatoire de le détester. Même s'il t'a fait un bien quelconque ou il t'a donné quelque chose, tu dois quand même le détester et avoir de l'animosité pour lui. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers. Il a fait descendre les livres pour que la religion tout entière soit à Allah seul. Et donc l'amour est pour ses alliés et la haine pour ses ennemis. L'honneur est pour ses alliés et l'humiliation est pour ses ennemis. Et la récompense est pour ses alliés et le châtiment est pour ses ennemis. Donc ça c'est la fin de la citation du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. On passe maintenant à la troisième catégorie, qui est la catégorie de ceux qu'on aime d'un certain point de vue et qu'on déteste d'un certain point de vue. Donc le cheikh, il explique, il dit « Man yuhabbu min wajhin wa yubradu min wajh, fa yajtami'u fihi al-mahabbat wal-adawa. Fa yajtami'u fihi al-mahabbat wal-adawa, wa hum usatul mu'minin. يحبون لما فيهم من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجونهم من الإسلام ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك خلافا للمرجئة الذين يجعلون إيمانهم كاملا مهما فعلوا من المعاصي وتركوا من الفرائض ومحبتهم تقتضي مناصحتهم ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم فلا يجوز السكوت على معاصيهم بل ينكر عليهم ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم لكن لا يبغضون بغضا خالصا يتبرأ منهم كما تقوله الخوارج في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك ولا يحبون ويوالون حبا وموالة خالصين كما تقوله المرجئة بل يعتزل في شأنهم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il explique par rapport à la troisième catégorie que c'est la catégorie qu'on doit aimer d'un certain point de vue et qu'on doit détester d'un certain point de vue. Et donc on voit que par rapport à cette catégorie-là, il y a les deux qui se réunissent ensemble, c'est-à-dire on réunit pour eux l'amour et la haine. Hein? Et cette catégorie-là représente les pécheurs parmi les croyants. Donc on doit les aimer pour ce qu'ils ont de la foi. On aime ces pécheurs par rapport à la foi qu'ils ont dans leur cœur. Contrairement aux Khawarij et aux Mu'tazila, qui les font sortir complètement de l'islam, qui les déclarent kuffar. On fait pas comme les gens de ces groupes extrémistes et égarés, et de ces sectes déviées comme les Khawarij et les Mu'tazila, parce qu'on sait que pour eux, du moment que un musulman commet un grand péché, pour eux, il est considéré comme étant un kafir. Ils le détestent comme un kafir, malgré que il n'a pas commis un acte de kouf majeur ou de shirk majeur qui le fait sortir de l'islam. Donc, ils ne font pas la différence entre les péchés, les grands péchés, et qu'est-ce qui est kouf et shirk. Donc, ils mettent tout ça dans la même catégorie. Et donc, pour eux, le pécheur croyant, le pécheur musulman, pour eux, c'est un kafir. Et donc, ils le détestent totalement. Donc, nous, les pécheurs croyants, on ne les détestent pas de façon totale. On les aime pour le bien qu'ils ont, la foi qu'ils ont. Et yani, on les déteste pour ce qu'ils ont comme péchés en eux-mêmes qui sont moindres que le kufr et le shirk. Contrairement à l'autre extrême, parmi les gens de déviation sur cette question-là, qui a rapport avec la foi, c'est-à-dire les murji'a, qui eux considèrent que toute personne qui commet des péchés a une foi complète, peu importe ce qu'il fait comme péché, et peu importe ce qu'il a comme abandon des obligations de la religion. Donc pour eux, non, c'est peu importe la personne, qu'est-ce qu'elle fait comme péché, peu importe les choses qui sont obligatoires, qu'elle néglige ou qu'elle abandonne, pour eux, c'est pas grave, du moment que la personne a dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou qu'elle est musulmane, elle se dit musulmane, ça y est, c'est fini. Pour eux, il est, non seulement la personne est un musulman, mais elle est un croyant avec une foi totale et complète, et parfaite. Comme les prophètes, comme la foi des prophètes et des hommes pieux, et des sahaba et des anges, pour eux, les pécheurs sont égaux à ceux-là. Donc ça, c'est l'autre extrême par rapport aux Khawarij et aux Mu'tazila. Et donc, pour eux, le pécheur, il doit être aimé de façon complète, comme le croyant parfait, comme celui qui est un croyant complet dans sa foi. Donc ça, c'est un autre extrême, et c'est un autre égarement dans la foi. Donc, Cheikh il dit, وَمَحَبَّتُهُمْ تَقْتَضِي مُنَاصَحَتُهُمْ وَلِنْكَرُ عَلَيْهِمْ فَلَا يَجُوزُ السُّكُوتُ. Donc, Cheikh il dit que si tu les aimes, si on aime ces croyants-là, ça implique qu'on doit leur donner la nasiha, on doit leur donner le bon conseil, et on doit les réprimander, les critiquer par rapport à ce qu'ils ont comme péché. Et on ne doit pas se taire face au péché qu'ils ont. On doit dénoncer et condamner ce qu'ils font comme péché. Et il est de notre devoir de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal. Et lorsque c'est un dirigeant qui est concerné par rapport à ces pécheurs-là, eh bien, le dirigeant doit établir sur eux s'ils ont commis un péché qui nécessite une peine quelconque ou une punition quelconque, eh bien le juge ou le dirigeant des musulmans doit les empêcher ou les arrêter de commettre ces péchés-là et établir sur eux ces peines et ces punitions et les appeler à se repentir de leurs péchés et de leurs mauvaises actions. Mais toutefois, ils ne doivent pas être détesté d'une haine qui est totale et complète, et on ne doit pas non plus se désavouer d'eux totalement de la manière que le font les Khawarij envers ceux qui ont commis des grands péchés qui sont moins que le shirk. Et on ne doit pas non plus de l'autre extrême aussi les aimer d'un amour total et les prendre pour alliés de façon complète et totale, contrairement aux Murji'a. parce que les mordus, à eux, ils les considèrent comme des croyants parfaits. Hein? Donc on ne tombe pas dans ni l'un ni l'autre de ces deux extrêmes. Et il faut rester dans la balance et dans l'équilibre à ce sujet-là et le juste milieu à leur sujet. Et ça, c'est la voie de Ahl al-Sunnati wal-Jama'a. Comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il le dit dans Majmu' al-Fatawa, le volume 19, à la page 294. Il dit « وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة ولا يقال صار من غير المسلمين فيكون كافرا كما تقوله الخوارج بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة وأن لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh, il mentionne les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 19, à la page 294, comme j'ai dit. Et il a dit, il mentionne que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par l'imam muslim, le Kitab al-Iman, من غشنا فليس منا, celui qui nous a trompé ou qui nous a triché, hein, il ne fait pas partie des nôtres, ou il n'est pas des nôtres. Ce hadith et les hadiths de ce genre, lorsqu'on les entend, il ne faut pas les prendre dans le sens des murji'a qui disent par exemple que ce hadith là signifie que celui qui nous trompe ou qui nous triche, il n'est pas parmi les meilleurs d'entre nous. Donc eux, ils l'interprètent comme ça. Ils disent, celui qui nous triche n'est pas parmi les meilleurs d'entre nous. Donc ça, c'est l'interprétation des Mordia. Et de l'autre côté également, on ne doit pas l'interpréter à la façon des Khawarij, ou le comprendre à la manière des Khawarij, qui disent que celui qui nous trompe ou qui nous triche, il est devenu un non-musulman, et donc il devient kafir. Comme, donc ça c'est la position ou la compréhension des Khawarij par rapport à ce hadith et par rapport aux autres hadiths de ce genre. Et la position correcte, c'est plutôt que yani, le hadith parle des personnes qui qui à la base sont des croyants qui ont une foi obligatoire par laquelle ils méritent la récompense d'Allah sans châtiment, et ils ont droit à notre allégeance et à notre amour total et complète, et que certains d'entre eux, il est possible même qu'ils aient accompli des actes surérogatoires ou recommandés qui font en sorte qu'ils ont des degrés plus élevés encore. Et lorsqu'ils nous trichent ou lorsqu'ils les trichent, et donc à partir du moment qu'ils font cette tromperie ou cette tricherie envers les gens, eh bien il ne fait plus partie d'eux réellement à cause de la faiblesse ou la diminution de sa foi obligatoire par laquelle il mérite la récompense totale, complète, sans châtiment. Il n'est pas permis de penser qu'il ne sera plus parmi eux de façon absolue et totale, hein, comme les Khawarij qui disent que à partir du moment qu'il commet ce péché-là, il sort des rangs des croyants et devient un mécréant. Donc ça, c'est ça c'est un extrême. Donc le cheikh il dit plutôt on doit dire qu'il a la foi, il a de la foi par laquelle il mérite d'être associé aux croyants dans certaines parties de la récompense, dans une partie de la récompense qui est attribuée aux croyants, et il a également avec lui un péché, parmi les grands péchés, par lequel il mérite un châtiment, ou le châtiment aussi. Donc, il a les deux en fait. Il a un aspect ou une partie qui fait en sorte qu'il mérite la récompense qui est promis pour les croyants, sauf que il n'a pas cette promesse-là ou cette il ne le mérite pas de façon totale et complète comme le croyant qui est complet dans sa foi. Hein? Pourquoi? Parce que justement il a des grands péchés et à cause de ces grands péchés-là, eh bien il sort de qu'est-ce qui est méritoire de façon totale par rapport à la récompense et il mérite une certaine partie du châtiment. Et on va expliquer ça plus en détail. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Et c'est relié directement avec la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a par rapport yani, à la foi et à la position de Ahl al-Sunnah wal Jama'a vis-à-vis des gens qui commettent des grands péchés. Comme on le sait, puisque ça, c'est un des principes et des fondements les plus importants qui distingue les gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et la position des Salaf al-Salih par rapport à cette question. Donc le Cheikh il dit ensuite wa qala rahimahullah fi majmu' al-fatawa wal fasiq al-milli yu'ta min al-muwalati bi qadri imanihi wa yu'ta min al-mu'adati bi qadri fisqi fa inna madhhab Ahl al-Sunnah wal Jama'a an al-fasiq الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعف عنه إذا لم يعف الله عنه أو إذا لم يعف الله عنه. Donc le cheikh il explique, il dit que dans Majmou al-Fatawa volume 28 à la page 578, le pécheur, Cheikh l'Islam dit, le pécheur dans la religion, celui qui fait les péchés, qui est fasiq, qui expose son péché ouvertement, on doit l'aimer selon sa foi, selon ce qu'il a de foi. Et on doit lui donner de notre opposition et de notre animosité selon la quantité ou la proportion de péché qu'il a, de désobéissance qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la position d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est que le fasiq dans la religion, il a droit à une récompense et il a droit également ou il mérite également le châtiment si Allah ne lui pardonne pas ce péché. Donc ça c'est la fin de la citation. Ensuite, il mentionne une autre parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa encore. Et il dit donc dans le volume 28 à la page 209: Wa iza ijtama'a fi ar-rajuli al-wahid khayrun wa sharr wa fujurun wa ta'a wa ma'siyatun wa ta'a wa sunnatun wa bid'a istahaqqa min al-muwalati was-sawabi bi qadri ma fihi min al-khayr واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة فيجتمع له من هذا وهذا كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه فلم يجعلوا الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعقاب فقط وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن. نعم انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh, il mentionne une autre parole de cheikh l'islam, il nous était mis dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 209. Il dit que lorsque on retrouve dans la même personne le bien et le mal réunis, hein, le bien et le mal réunis en elle, ou le péché et la ou le péché, la perversité et l'obéissance réunis, ou le péché et la désobéissance et l'obéissance réunis, où on retrouve en elle également la sunna et la bid'a réunis en elle, eh bien le cheikh il dit que cette personne elle mérite donc l'allégeance et la récompense selon ce qu'elle a comme bien, et elle mérite aussi la haine et le châtiment selon ce qu'elle a de mal en elle en même temps. Donc on peut comprendre donc que pour la même personne on voit que il y a réuni pour la même personne les causes de l'honorabilité et de l'humiliation en même temps, c'est-à-dire les choses qui nous amène à l'honorer et à l'humilier en même temps et à le rabaisser en même temps, hein? Donc on doit réunir les deux, hein? L'amour et la haine pour cette personne. C'est comme le voleur qui est pauvre, ok, on doit couper sa main à cause de son vol, et en même temps on doit lui donner du trésor du musulman, hein, ce qui est nécessaire pour son besoin et ce qui lui suffit pour son besoin. Donc en même temps qu'on le punit pour son péché et pour son crime, eh bien on lui donne de l'argent pour qu'il puisse subvenir à son besoin. Et ça c'est la base sur laquelle s'est mis d'accord tous les ulama de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et ils ont été contredits et opposés par les gens de Bid'a et les gens de l'égarement, parmi les Khawarij et les Mu'tazila, et ceux qui ont été d'accord avec eux. Et donc, eux, ils ont considéré que les gens sont soit méritants d'une récompense seulement, ou soit méritants d'un châtiment seulement. C'est-à-dire, il n'y a pas de personne qui va avoir la récompense et le châtiment, ou l'amour et la haine en même temps. Pour eux, pour les Mu'tazila et les Khawarij, soit tu mérites la récompense, ou soit tu mérites le châtiment. Et pour eux, hein, depuis que tu commets un grand péché, tu sors de l'islam, donc automatiquement tu mérites seulement le châtiment. Tu n'auras aucune récompense. Et la même chose pour le contraire, c'est-à-dire le contraire de ça, c'est la position des Murji'a, hein, qui croient que du moment que tu es musulman, tu peux que mériter seulement la récompense, et c'est seulement, hein, pour eux, seulement les kuffars qui méritent le châtiment, les croyants ne méritent pas de châtiment. Donc ça c'est deux extrêmes, tandis que Ahl Sunnah wal Jama'a ne disent pas ça. Ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala châtie par le feu ceux qu'il veut parmi les gens des grands péchés. Donc Allah va châtier par le feu les gens qui ont commis des grands péchés, parmi ceux qu'il va châtier, puis par la suite, il va les faire sortir par l'intercession de ceux à qui il a permis d'intercéder, pour qui il va permettre qu'on intercède en leur faveur. Donc, ça c'est la fin donc de cette parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Et Na'am. Ensuite, il mentionne une dernière parole, qui est une autre parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qui nous montre l'exemple des salafs vis-à-vis de comment ils ont agi par rapport à ces situations qui se sont présentées à leur époque, comment ils ont géré ces questions-là. Et on retrouve donc dans le volume 3, 3 à la page 285 de Majmou al-Fatawa, Cheikh l'Islam il dit: Wa li hadha kana al-salaf ma'a al-iqtital yuwali ba'dhum ba'dhan muwalat ad-din wa la yu'aduna kamu'adat al-kuffar كمعادات الكفار فيقبل بعضهم شهادة بعض ويأخذ بعضهم العلم عن بعض ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض ومع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. انتهى كلامه. Donc pour terminer donc ce passage ou ce point, le cheikh il mentionne cette dernière parole de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans laquelle il dit que c'est pour cette raison là que les salafs, malgré qu'ils se combattaient parfois les uns les autres pour des différentes raisons qui ont été expliquées, mentionnées dans d'autres contextes, on a expliqué que malgré ça, parce que chacun faisait son ijtihad pour, parce que c'était des grands savants, des ulama, donc ils faisaient l'ijtihad pour essayer d'arriver à la vérité. Et quand ils avaient combattu dans des moments où il y avait eu des fitanes, des tribulations entre eux, des problèmes, donc quand il y a eu des combats entre eux, malgré qu'ils se combattaient, eh bien, malgré tout, ils s'aimaient les uns les autres d'un amour religieux, et ils ne s'opposaient pas ou se détestaient pas les uns les autres comme on déteste les koufars, et ils acceptaient le témoignage, leur témoignage entre eux. Lorsque l'un d'entre eux faisait un témoignage, ils acceptaient le témoignage les uns des autres, et ils acceptaient de prendre les hadiths et la science les uns des autres, et ils se ils acceptaient l'héritage, qu'ils prenaient l'héritage, ils héritaient les uns des autres, et ils se mariaient entre eux, c'est-à-dire ils donnaient leurs proches en mariage aux autres parmi les opposants contre qui ils combattaient, parce que ils se combattaient pas par rapport à une animosité ou une différence dans la croyance ou dans les fondements de la religion, contrairement aux jeunes bid'ahs, aux kuffars qui ont dévié dans la foi, dans la religion. Donc eux, ils ne se combattaient pas pour ça. Ils se combattaient entre eux pour des divergences d'opinion qu'ils avaient dans certains aspects de la façon comment ils devaient prendre des décisions par rapport à différentes choses qui ont rapport à la gestion de choses des affaires des musulmans lorsqu'il y a eu des fitanes, et souvent les conflits ou les combats ont été provoqués par des tribulateurs et justement par des gens de bid'a aussi qui ont encouragé justement la fitna. Mais sinon à la base, malgré tous ces combats-là, ils se considéraient comme étant des frères, et ils s'aimaient les uns les autres, ils priaient ensemble, et ils faisaient les interactions entre eux, les uns les autres, et ainsi de suite. Malgré ce qu'ils avaient entre eux comme combat, et comme le fait de s'échanger parfois des mauvaises paroles, des choses comme ça, mais malgré tout, ils se considéraient toujours comme des frères. Et donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on vient de dire ici dans ce point-là, c'est en fait que les gens de Ahl al-Sunna wal-Jama'a, les salaf salih, ils considèrent que la foi, c'est composé de paroles, c'est composé de la croyance qui est dans le cœur et des actions. Ces trois choses-là sont qu'est-ce qui compose la foi. Donc la foi, c'est ces choses, c'est la parole, c'est l'action et c'est la croyance du cœur. Et que le croyant, lorsqu'il commet un péché, il ne sort pas de la foi complètement. à moins qu'il ait commis un kufr majeur ou un shirk majeur. Sinon, il reste toujours un musulman, mais on considère que sa foi, elle diminue. C'est-à-dire que sa foi, elle devient faible lorsqu'il commet un péché, un grand péché. Mais il ne sort pas de la foi. Ceux qui disent que le pécheur sort de la foi, c'est les Khawarij, les Mu'tazila. Et il y a l'autre extrême. Même si on dit que, même si on dit qu'il est toujours croyant, il ne sort pas de la foi, il ne sort pas de l'islam, mais on ne va pas aller dans l'autre extrême comme les Murji'a qui disent qu'il ne baisse pas non plus dans sa foi reste toujours complète et totale. Ça, c'est pour comprendre la position d'Ahl Sunna sur la question de la foi par rapport à ces deux groupes d'extrémistes. Les Murji'a et les Khawarij. Et on dit que à partir du moment que la personne est morte sur un grand péché et qu'elle ne s'est pas repentie de ce grand péché-là, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que si Allah veut lui pardonner à ce moment-là, il peut lui faire miséricorde et le faire rentrer au paradis directement, sans châtiment et sans jugement. Ou bien également, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est le châtier dans l'enfer par sa justice. Et pour l'expier de certains de ses péchés, pour un certain temps. Mais il ne va pas rester éternellement dans l'enfer s'il rentre en enfer parce que il est mort sur le tawhid. Et du moment que quelqu'un est sur le tawhid, il ne va pas demeurer éternellement en enfer, puisque il aura droit à l'intercession des intercesseurs au jour de la résurrection. Et s'il est dans l'enfer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout croyant, toute personne qui a une atome de foi, ne va pas demeurer dans l'enfer pour l'éternité. Il va rester un certain temps que seul Allah connaît, puis lorsque Allah va décider, il va les faire sortir de l'enfer pour les faire rentrer au paradis. Et une fois qu'ils seront rentrés au paradis, ils vont y rester pour l'éternité. Donc ça, c'est la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a vis-à-vis de ces questions-là. Tandis que pour les Khawarij et les Mu'tazila, il n'y a pas d'intercession pour les pécheurs. Et ceux qui rentrent dans l'enfer, pour eux, sont pour l'éternité dans l'enfer. Et ce sont que les kuffars qui rentrent dans l'enfer, selon eux. Les croyants ne rentreront jamais pour eux en enfer. Et pour les Murji'a, c'est le contraire. Les musulmans, eux, vont tous entrer au paradis, sans exception, qu'ils soient pécheurs ou non. Et donc, ça, c'est un autre extrême. Parce que pour les Murji'a, les actions ne font pas partie de la foi. Pour eux, du moment que tu dis avec ta bouche que tu es croyant, ça suffit. Même si tu fais rien de ce qui est obligatoire, même si tu fais tout ce qui est interdit, c'est pas grave. Et pour eux, tu es toujours un croyant complet, total, dans ta foi. Et que ta foi est toujours fixe. Et statique, elle diminue pas, elle augmente pas, elle va toujours être complète, parfaite. Donc ça, c'est l'égarement de ces groupes de bid'a, au sujet de la foi. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on dévie de la position d'Ahlul Sunnah wal Jama'a et des preuves du Coran et de la Sunna. Eh bien, on tombe dans des positions extrémistes et ça a des impacts. Et des répercussions dans la conception et l'application par la suite. Et c'est pour ça que ces gens-là, leur manhaj est complètement renversé, dévié, puisqu'ils ont des bases incorrectes dans la religion. Ensuite, le point numéro 6. Donc, on a fini le point numéro 5. Maintenant, on rentre dans un autre point qui est le point numéro 6. au sujet des règles et des principes dans la compréhension de Al-Wala ou Al-Bara et qu'est-ce que ces points-là impliquent comme réfutation des Shubuhat au sujet du Takfir. Donc ça, c'est le titre. Donc, سادساً ضوابطٌ في فهم الولاء والبراء تتضمن رد شبهات في التكفير رد شبهات في التكفير. Donc, on a expliqué dans le premier cours le contenu du livre et on a parlé de ce point-là, qui est le point numéro 6. Dans le livre, on a dit qu'il y avait en tout environ 9 points. Et le point numéro 6, il est divisé en 14 règles ou principes pour nous expliquer certains aspects de Al-Wala ou Al-Bara dans lesquels les gens de Takfir, comme par exemple les Qutbiyin, les Sururi, et les Ikhwan, Al-Muflisin, les gens de ces sectes déviées aujourd'hui parmi les Khawarij contemporains, ont dévié. Et qu'est-ce qui les a amenés à faire le Takfir des dirigeants musulmans, des savants de l'islam et des musulmans du commun en se basant sur leur erreur et leur mauvaise compréhension de Al-Wala ou Al-Bara. Donc ils sont tombés dans l'extrémisme par rapport à ça et ils ont déclaré kuffar des musulmans sans preuve. Et donc ce point numéro 6 là, avec ses 14 règles, donc on va comprendre maintenant comment ces gens-là ont dévié par rapport à Al-Wala ou Al-Bara et comment justement répondre à leur shubuhat par rapport à ce sujet-là avec les preuves et les clarifications des ulama. Donc, l'introduction de ce sixième point, le Cheikh il dit « La shakka anna kathiran min ahli al-ghuluwi wal-jahli bisabab adami fahmi manati al-takfiri fi bab al-Wala ou al-Bara » استخدموا عمومات النصوص في التكفير بالأعمال الظاهرة التي تخالف الكمال أو الواجب في هذا الباب ونتج عن هذا الفهم الخاطئ للبراءة من الكفار أعمال محرمة في الإسلام كاستباحة دماء الذميين أو المعاهدين أو أموالهم أو الاعتداء عليهم بغير وجه حق وقد سبقت الإشارة إلى مناط وقد سبقت الإشارة أن مناط التكفير في الولاء والبراء هو عمل القلب فحب الكافر لكفره أو تمني انتصار دين الكفار على دين المسلمين هذا هو الكفر في باب الولاء والبراء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم والموالاة والمواد وإن كانت متعلقة بالقلب ولكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في الفتوى في قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh, dans cette introduction, il ramène encore l'explication ou le point très important par rapport justement à Al-Wala ou Al-Bara, à savoir c'est quoi le point central de Al-Wala ou Al-Bara, c'est quoi la base de Al-Wala ou Al-Bara, et qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut sortir de l'islam par rapport à Al-Wala ou Al-Bara, c'est quoi le cœur ou le centre de la question pour justement faire en sorte d'éviter de tomber dans l'extrémisme et l'égarement des Khawarij qui vont prendre certaines actions apparentes qui sont en opposition avec la perfection ou l'obligation dans ce sujet-là et en faire des choses qui font sortir de l'islam alors qu'en réalité elles ne font pas sortir de l'islam mais elles font juste diminuer la foi ou elles sont parfois des péchés, ou même parfois ce sont des choses qui sont permises, mais eux, ils vont les catégoriser parmi les choses qui sont kufr majeures et qui font sortir de l'islam. Donc, le cheikh dit qu'il n'y a pas de doute que beaucoup parmi les gens de l'extrémisme et de l'ignorance ils sont tombés dans l'exagération à propos de la compréhension de Al-Wala wal-Bara et de qu'est-ce qui est relié au takfir dans ce sujet-là, en utilisant des textes de façon générale, textes qui sont généraux par rapport au takfir, et ils les emploient pour essayer de déclarer kufra des gens, sans regarder les exceptions, sans regarder les conditions, une règle reliée à ces textes-là. Et donc, ils se basent sur les actions apparentes qui sont en opposition avec la perfection dans la question de Al-Wala wal-Bara, où ils se basent sur des actes en apparence qui sont contraires à ce qui est obligatoire dans ce sujet-là, mais qui ne sont pas nécessairement kufr. Et le résultat de cette mauvaise compréhension qu'ils ont eue à ce sujet-là, par rapport à Al-Bara, le désaveu du kuffar, le résultat, c'est des actions qui sont interdites en islam, comme par exemple le fait que ces gens-là rendent le sang des kuffar parmi les dhimmiyyins, les chrétiens, les juifs qui vivent dans les pays musulmans sous la protection et l'accord des musulmans, ou bien les kuffar qui font partie des mu'ahadins, c'est-à-dire ceux parmi les koufars qui ont des ententes de paix entre les pays musulmans et leur pays, ou bien de transgresser. Donc, ils se sont permis à cause de ça de transgresser et de rendre licite le sang de ces koufars-là qui ont des ententes avec les musulmans, ou de rendre licite leurs biens, c'est-à-dire les richesses ou le bien qu'ils ont et l'argent qu'ils ont. Ou bien se sont permis de transgresser contre eux sans aucun point de vue de droit ou de respect des droits qu'ils ont. Et on a déjà expliqué ça dans les points précédents, quand on a parlé de qu'est-ce qui a rapport avec le takfir dans Al-Wala wal-Bara, et qu'on a expliqué que c'était les actes du cœur à la base qui font sortir de l'islam par rapport à Al-Wala wal-Bara, et que c'est le fait d'aimer le kafir pour son kufr, ou d'aimer le mushrik pour son shirk, parce qu'il fait du shirk, tu l'aimes, parce qu'il fait du kufr, tu l'aimes, parce que tu es d'accord avec sa religion, comme tu es d'accord avec les chrétiens qui disent que Jésus est fils de Dieu, ou Dieu incarné, et tu crois en ça, ou tu es d'accord avec cette croyance-là, et t'es d'accord avec l'idolâtrie des chefs des mouchriquins, ou t'es d'accord avec ceux qui adorent les tombes et les morts et les saints et qui leur demandent en dehors d'Allah, toi tu considères que ça c'est bon, c'est correct, et tu aimes les koufars et les mouchriquins pour ce qu'ils font dans ces choses-là, ou tu souhaites qu'ils auront la victoire sur que leur religion et la victoire sur la religion des musulmans. Donc ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Et c'est ça qui est kufr dans Al-Wala wal-Bara. C'est-à-dire Al-Wala wal-Bara du cœur par rapport à ces choses-là. Tandis que le cheikh, il dit, donc il mentionne comme référence à ce sujet-là les paroles de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans Iqtida Sirat al-Mustaqim, le volume 1, à la page 183. Il dit que al-muwala, le fait d'aimer, le fait de prendre pour allié, c'est, même si c'est des choses qui sont reliées avec le cœur, c'est des choses qui sont reliées avec le cœur fondamentalement à la base, mais le cheikh dit, mais la contradiction dans l'apparence, c'est quelque chose qui vient aider encore plus à couper toute relation, tout lien d'amitié ou d'amour avec les mécréants et qui aide à la séparation, hein, à la séparation totale. Donc, c'est pour dire qu'à la base, al-wala wal-bara, ça se passe dans le cœur. Puis, les moyens de contradiction dans l'apparence, c'est quelque chose qui vient pour renforcer cet attachement qui peut être dans le cœur. Mais si on retrouve par exemple une contradiction dans les actes apparents ou dans les paroles, mais que c'est en, dans les actes, dans les actions, les choses qui sont en apparence montrent que il y a une certaine ressemblance, ou qu'il y a des actions qui montrent que il y a une certaine forme d'allégeance en apparence, ça ne veut pas nécessairement dire que cette chose-là, c'est à la base dans le cœur, que la personne aime les koufars, les mouchikines, pour leur kufr et leur shirk, et ainsi de suite. Il y en a qui font ce lien-là directement. Hein? Donc ça, c'est une erreur. C'est comme celui qui voit, par exemple, quelqu'un qui commet un péché, quelqu'un qui commet un grand péché, et qui fait tout de suite le calcul ou qui fait tout de suite l'addition que du moment que cette personne-là fait ce péché-là, et donc ça veut dire que elle croit que ce péché-là est permis. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre le fait que la personne commette ce péché et qu'elle croit que ce péché-là est licite ou bien que elle le rend halal ou des choses comme ça. Si tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, ça ne veut pas dire qu'il croit dans son cœur que l'alcool est halal. Il y en a parmi les takfiriyin, les khawarij, qui font ce lien-là et qui pensent que si quelqu'un commet un grand péché, ça c'est la preuve qu'il l'a rendu licite et donc il le déclare kafir. C'est la même chose avec les questions qui ont rapport avec al-wala ou al-bara aussi. Il y en a qui voient quelqu'un qui agit d'une certaine façon avec un kafir, tout de suite ils disent, ah, ça veut dire que celui-là il l'aime dans son cœur et qu'il est d'accord avec son shirk et son kufr. Ça ne veut pas dire ça, à moins que la personne est en train de commettre un kufr et un shirk, hein? Donc il faut faire la distinction entre les choses. Et le shirk il dit وفي وقال في الفتاوى في قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله. On a lu ça tantôt, donc c'est dans Majmu' al-Fatawa, le volume 7 à la page 17, lorsque le Cheikh Ibn Taymiyyah explique le verset 81 dans Surat al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des Juifs, « S'ils avaient cru en Allah et en son prophète et en ce qui a été révélé sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés. » C'est-à-dire, ils n'auraient pas pris les idolâtres de la Mecque comme alliés. Le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que on peut pas, deux choses ne peuvent pas se réunir. Les deux choses ne peuvent pas être réunies en même temps, prendre les koufars pour allier dans le cœur et avoir la foi. Ces deux choses-là, ça se peut pas. Tu ne peux pas avoir la foi et prendre les koufars pour allier dans ton cœur. Et le Cheikh il a spécifié dans le cœur, dans le sens que tu ne peux pas dire que tu as la foi en Allah, dans le Tawhid, et en même temps tu aimes le shirk que font les mouchriquines, et tu aimes les mouchriquines pour leur shirk, et tu aimes les koufars pour leur kufr. Hein? Et tu souhaites qu'ils aient la victoire sur les défenseurs du Tawhid. Donc ça, c'est impossible. Puis, le point. Donc ça c'est l'introduction qu'on a lue. Maintenant le premier point par rapport aux règles et aux principes qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara, qui réfutent les gens de takfir et d'extrémisme de roulou, c'est le premier point, c'est que l'islam permet aux kuffars de rester sur leur kufr lorsqu'ils ont des ententes avec les musulmans. Le cheikh explique ça. Il dit, مع أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لمحو الشرك والأصنام والكفر من الأرض ليكون الدين كله لله كما روى مسلم عن عمرو بن عبسة عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه لما قدم مكة على النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء لا يشرك به شيء انتهى donc انتهى الحديث donc الشيخ الزنسيت ومع ذلك فالإسلام أقر ترك الكفار الأصليين من أهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين أن يبقوا على كفرهم فلم يجبر أحدا منهم على الدخول في الإسلام قال الله تعالى لا إكراه في الدين وليس ذلك مما ينافي عقيدة الولاء والبراء بل إنه كفل حمايتهم والقيام بحقوقهم وعدم ظلمهم إذا كانوا تحت حكم شريعتنا روى مسلم عن عروة قال مر هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال ما شأنهم قالوا حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا قال وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا وذكر ابن القيم في أحكام أهل الذمة تحت فصل لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم انتهى كلامه رحمه الله الشيخ يكسبليك الله سبحانه وتعالى il a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour effacer le shirk et les idoles et le pauvre de la terre et pour que la religion soit toute entièrement pour Allah comme ça a été rapporté par Amr ibn Abasa al-Sulami radiallahu anhu dans l'histoire de sa conversion à l'islam lorsqu'il est venu à Mecca pour rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a demandé, il lui a dit qu'es-tu? Il a dit je suis un prophète. Il lui a dit et qu'est-ce qu'un prophète? Alors il a répondu Allah m'a envoyé. Il a dit et avec quoi t'a-t-il envoyé? Il a dit il m'a envoyé avec le fait de garder les liens de parenté, de briser les idoles et d'unifier Allah et de ne rien associer avec lui. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Et malgré ça, l'islam a permis de laisser les kuffars, l'islam a permis qu'on laisse les kuffars qui sont nés dans le kufr, qui sont grandis dans des familles à la base des kuffars, c'est-à-dire qu'ils sont pas des gens qui étaient dans l'islam puis qui ont quitté la foi pour devenir des kuffars. C'est ce qu'on appelle al-kuffar al-asliyoun, c'est-à-dire ceux qui sont à la base des kuffars. Parmi les gens de al-zimma, ce qu'on appelle ahl-zimma, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs qui vivent parmi les musulmans dans les pays musulmans, et qui vivent selon certaines règles et selon les principes de la charia, donc ceux-là, ils ont été permis de vivre dans les pays musulmans et de rester sur leur fausse religion, kufr et de shirk, selon certaines conditions qu'ils doivent respecter et après avoir payé une taxe de capitation. Et les mu'ahadin, de même que les mu'ahadoun, eux aussi sont laissés sur leur fausse religion tant qu'ils respectent leur pacte et leur entente de paix avec les musulmans. Ce sont ceux qui, par exemple, ont des, c'est-à-dire les pays musulmans ont, les dirigeants musulmans ont fait des ententes de paix avec les pays de ces kuffars-là. Donc, eux, ils sont maintenant sous une trêve, sous une entente de paix, et il est obligatoire pour nous de respecter cette entente de paix-là et de ne pas les agresser ou de leur faire du tort en quoi que ce soit, ni dans leur personne, ni dans leur bien et leur honneur. Et si un d'entre eux brise son entente, c'est pas l'entente au complet qui sera annulée, mais c'est l'entente de celui en particulier qui a brisé son entente qui sera puni, et non pas tous les kuffar et les mushrikin. De même que al-musta'manun, ce sont les kuffar qui ont des missions dans les pays musulmans, dans le sens que soit des ambassadeurs ou des délégués officiels ou bien des gens qui sont entrés avec des visas, comme par exemple des commerçants ou des touristes ou des gens comme ça qui viennent dans les pays musulmans. Ils sont laissés sur leur mécréance, hein, ils restent sur leur mécréance et il n'est permis à personne de les forcer ou de les contraindre à entrer dans l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 256 dans sourate Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit la ikraha fid din. Donc la ikraha fid din, c'est-à-dire il n'y a pas de contrainte dans la religion. Donc si c'est quelqu'un qui est kafir, qui est né dans une famille chrétienne ou juive ou une autre croyance de kufr, eh bien on n'a pas le droit de le forcer ou de le contraindre à se convertir à l'islam, hein, mais on doit l'appeler à l'islam et le convaincre avec les preuves et les arguments du Coran et de la Sunna et de la raison, mais pas essayer de le contraindre par la force à le convertir, hein, sans qu'il soit convaincu. C'est le verset, donc, comme j'ai dit, 256 sur Surat al-Baqarah. Et on ne peut pas l'appliquer comme certains parmi les Ikhwan ou parmi les gens de Bid'ah qui essaient d'utiliser ce verset-là pour dire que dans l'islam, il y a la liberté de croyance et la liberté de conviction ou d'expression. Et en disant ça, ils essaient d'imiter les kuffars et d'essayer de faire croire aux gens que dans l'islam, il y a le respect de les droits de l'homme. Les droits de l'homme kafir, les droits de l'homme mécréant. Il n'y a pas de droit comme ça dans la religion d'Allah d'être mécréant, ou de croire en la mécréance, ou de faire des innovations dans la religion. Tandis que pour ces gens de bid'ah, ils essaient de croire que, ou de faire croire que ça c'est toléré en islam. Donc quelqu'un peut se prétendre un prophète, prétendre qu'il a rencontré un ange qui lui a révélé une nouvelle révélation, et eux ils considèrent que ça c'est permis, parce qu'il y a la liberté de croyance. Ou bien qu'il peut inventer n'importe quelle innovation qu'il désire, pratiquer n'importe quelle pratique, que ce soit les pratiques des Shia ou les pratiques des soufis ou les autres pratiques des autres sectes d'égarement qui prétendent suivre l'islam et qui n'ont aucune preuve dans le Coran et dans la Sunna pour ce qu'ils font de contradiction, eh bien, eux, ils considèrent qu'ils ont le droit de pratiquer ces innovations-là et ces égarements-là au nom de l'islam, soi-disant parce que on n'a pas à les contraindre. Hein, et ils sont même allés jusqu'à nier la peine de l'apostasie dans l'islam, sous prétexte que c'est quelque chose qui vient en contradiction avec la liberté de croyance. Et comme Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué dans ses cours, quand il a parlé de l'apostasie, parce que dans tous les livres de fiqh, dans tous les madhahib, que ce soit le madhhab de Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i, ou de l'imam Ahmad et des autres ulama d'Ahl-Sunnah, ils ont tous considéré le chapitre qu'on intitule Kitab al-Ridda ou Bab al-Ridda ou Hukm al-Murtad, le verdict de l'apostat. Et ils ont expliqué que si quelqu'un pratique des pratiques ou dit une parole ou croit en une croyance qui est en opposition avec les fondements du tawhid et de l'islam, et que la personne fait qu'est-ce qui est kufr ou shirk, fait des choses qui sont en opposition avec les fondements de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, et qui oppose les piliers de la foi, les piliers de l'islam, et dans ce cas-là, il sort de la religion, devient un apostat, et que pour lui, il doit se repentir, ou sinon il sera exécuté dans l'islam. Il sera exécuté, c'est une peine de l'apostat. La peine pour l'apostat dans l'islam, c'est la mort. Donc ces gens-là, ils disent non, c'est il n'y a pas de peine pour l'apostat, alors que c'est des choses prouvées par le Coran et par la Sunna avec des textes clairs. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils essaient de déformer le sens de ces versets-là et de ces hadiths pour essayer de faire plaisir aux mécréants, aux ennemis de l'islam qui sont contre ce genre de choses-là. Et ils disent que ça, c'est contraire à la liberté de croyance. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il a expliqué que la peine dans l'apostasie dans l'islam, c'est pas pour contraindre les koufars à l'islam. C'est pas pour contraindre les gens à une religion ou à la croyance en l'islam. Mais c'est pour protéger la aqidah de l'islam contre les déviations, contre les hérésies et contre les égarements. Hein? Donc c'est dans ce but-là. Et pour protéger la foi des croyants. En tout cas, donc, ensuite le cheikh il dit que il n'y a pas donc quoi que ce soit dans le fait de laisser ces koufars parmi les gens de la Zimma ou les gens qui ont une entente de paix avec les musulmans ou bien les ambassadeurs ou les messagers des koufars qui sont envoyés dans les pays musulmans avec un message ou une mission dans le sens qu'ils viennent pour rencontrer les responsables musulmans, leur donner un message de la part des dirigeants mécréants pour faire des échanges avec eux sur le plan économique ou faire des ententes diplomatiques avec les dirigeants ou des choses comme ça. Donc, on n'a pas le droit de les tuer ou de les attaquer ou de porter atteinte à leurs biens et ainsi de suite. Et qu'il n'y a pas de contradiction avec la aqida de Al-Wala ou Al-Bara dans le fait de les laisser sur leur mécréance. Et le cheikh il dit que l'islam nous a même ordonné de les protéger et de préserver leurs biens et leurs droits et de ne pas leur faire de l'injustice lorsqu'ils restent sous le gouvernement ou l'autorité de notre charia. Et il mentionne, pour terminer, donc, un hadith qui est le hadith rapporté selon Urwa dans Sahih Muslim. Il dit que Hisham ibn Hakim ibn Hizam a passé près d'un groupe de chrétiens en Syrie qui avait été placé sous le soleil. On les avait mis sous le soleil. Et quand il les a vus, il leur a dit, qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Qu'est-ce qui se passe avec ceux-là? Et quelqu'un a répondu en disant, les gens ont répondu en disant qu'ils avaient été arrêtés à cause de la jizya qu'ils n'avaient pas payée. Alors, Hisham a dit, je témoigne que j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire que Allah châtie ceux qui châtient les gens dans la dunya. Et à l'époque, en Palestine, le dirigeant était Umayr ibn Sa'd. Alors, il est rentré pour le voir, il lui a mentionné ce hadith. Hein? Alors, il les a laissés partir. Et ça, c'est rapporté dans Sahih Muslim. Et donc, et l'imam Ibn al-Qayyim, il rapporte également dans son livre Ahkam Ahl al-Zimma, le volume 1, la page 24. Et ça, c'est un livre qui mentionne les règles par rapport aux kuffars qui vivent dans les pays musulmans. Il dit que, il a un chapitre qui s'intitule Il n'est pas permis de leur donner une charge qu'ils ne peuvent pas porter, ni de les châtier pour la remplir, pour la porter, et ni de les arrêter ou de les frapper. Et ça, c'est la fin de cette citation. Et, Inch'Allah, donc, on continuera la suite au prochain cours, le deuxième point, le deuxième principe qui est relié à cette question dans la suite des questions par rapport avec les shubuhat des takfirines par rapport à Al-Wala wal-Bara. Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.